Bien-aimés, je vous dis bonjour. Nous allons partager cette petite exhortation sur le combat spirituel. Bien-aimés, comme vous le savez, le monde subit les conséquences, les actes, l'orgueil d'un esprit qui s'est révolté contre Dieu. La révolte a commencé au ciel. Et cette révolte continue sur la terre. Vous savez que parmi les anges de Dieu, au bon vieux temps, il y avait un ange qui s'appelait Lucifer. D'accord? Dans Ésaïe, au chapitre 14, au verset 13, le Saint-Esprit nous révèle ce que cet orgueilleux avait dit. Le Saint-Esprit nous révèle les paroles, les pensées que le diable avait eues lorsqu'il était encore au ciel. Je vais lire Ésaïe au chapitre 14, au verset 13. Écoutez ce que dit le Saint-Esprit. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Je suis un ange, d'accord? Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que je sois égal à Dieu. Moi aussi, je dois recevoir l'adoration et la louange. Moi aussi, je dois être sur un trône très élevé. Moi aussi, il faut que je sois semblable au Très-Haut. Il faut que Dieu et moi, égalité, pareil. Mais il avait oublié qu'il était une créature de Dieu. Car au commencement, le Père était avec le Fils et le Saint-Esprit. Et ils ont créé toutes choses. Voilà une créature qui dit, ah non, moi, il faut que je sois égal à Dieu. Moi, il faut que j'ai aussi des adorateurs, comme loup. Moi aussi, je dois être sur un trône très élevé, comme le Créateur. D'accord? Dans cette folie, il a eu à corrompre plein d'anges, des anges, et a suscité la rébellion. Et quand cette rébellion va s'éclater dans le royaume de Dieu, Dieu a dit, ah non, tu n'es qu'une simple créature. Personne ne peut être égal à moi. Je suis l'Éternel des armées. Alors, le conflit a commencé. La guerre est livrée au ciel. Parce qu'il y a eu des anges de Dieu qui ont dit, ah merde, ce rigolo-là se prend pour qui? Et la guerre va commencer au ciel. Je vais lire dans Apocalypse, au chapitre 12, à partir du verset 7. Bien-aimés, c'est très important ce que je vais dire. La guerre commence au ciel entre les anges qui étaient fidèles à Dieu et ceux que le diable avait réussi à corrompre. Ils se sont dit, ok, on va livrer la guerre, on verra qui gagnera la guerre. La Bible dit dans Apocalypse 12, au verset 7, et il y eut guerre. Dans le ciel, la Bible dit bien, dans le ciel, pas sur terre. Michel et ses anges combattirent contre le dragon ici c'est le diable. Et le diable et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Leur place ne fut plus, Satan n'est plus dans le ciel. Ces démons ne sont plus là-bas parce qu'ils ont perdu la guerre. Ils ont été précipités sur la terre. Je continue à lire. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Bien-aimés, Attention au faux évangile. Je dis bien le faux évangile. Parce qu'on croit, on dit aux gens, venez en Jésus et vous n'aurez plus de problème. C'est un mensonge. Venez en Jésus et vous n'aurez plus de problème. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que Éphésiens chapitre 6, on va le lire. Dieu nous a donné des armes. Pourquoi? Est-ce qu'on aura besoin des armes au ciel? Non, parce qu'il n'y a pas de combat là-bas. Mais pourquoi sur terre Dieu donne des armes? Parce qu'il y a une guerre. Donc, je veux que vous sachiez, toi qui es en Christ, qu'une guerre a commencé au ciel. La guerre qui a commencé là-bas continue, mais au ciel, elle était contre les anges. Et cette guerre continue sur terre, mais contre ceux qui ont les commandements de Dieu, qui les gardent et qui ont le témoignage de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis. Apocalypse chapitre 12. La guerre qui a commencé au ciel continue. Il faut que tu saches, bien aimé, que tu es en guerre. Tu es en guerre. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, Dieu te donne des armes pour combattre. Arrête de pleurnicher. Réveille-toi et utilise les armes qu'on t'a données. Mais l'ennemi va employer la ruse pour nous attaquer. Mais nous sommes plus que vainqueurs par Jésus. Parce que Satan est sous nos pieds. C'est pourquoi il passe par les ruses pour te faire tomber. Bien-aimé, il y a une parole de Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 18 au verset 8. Luc, la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, parce que Jésus va revenir, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Est-ce qu'il trouvera la foi? Nous sommes aujourd'hui dans les églises. Combien vont tenir jusqu'au bout? Combien parmi nous vont jeter l'éponge? Ah non, j'abandonne. Parce que vous savez, dans toute guerre, il y a toujours des pertes. Quel que soit le pays. Les États-Unis ont gagné la guerre en Irak, mais des milliers d'Américains sont morts. Quelle que soit la guerre, il n'y a pas de guerre que vous remportez sans enterrer vos collègues, vos amis et connaissances, sans enterrer les gens, sans perte. La guerre sans perte n'existe pas. Judas était parmi les 12, mais Judas est allé au séjour des morts. La Bible appelle Judas le fils de la perdition. Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Ça veut dire, quand je vais revenir, combien seront debout? Combien seront debout? Combien ont jeté l'éponge? Parce que la guerre qui a commencé au ciel contre les anges, cette guerre est aujourd'hui sur terre, mais contre les hommes. Et la Bible dit contre toute personne qui garde les commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus. Toi, tu crois en Jésus, donc tu as le témoignage de Jésus. Tu es en guerre. Il y a un adversaire que tu ne vois pas qui te livre la guerre. Oh, mon frère, demain mardi, j'irai à un entretien d'embauche. Le diable dit à ses démons, vous avez entendu? Il a un entretien d'embauche mardi. Faites tout pour que ça ne marche pas. Oh, monsieur le médecin, je n'arrive pas à faire des enfants. J'ai fait tout là, ça ne marche pas. Le diable dit, vous avez entendu? Allez, il ne faut pas qu'il fasse des enfants. Oh, mais l'année prochaine, je devrais commencer à construire ma maison. Vous êtes au courant? Allez, mettez-lui les bâtons dans les roues. C'est des épreuves. Il faut que chaque enfant de Dieu sache que je suis en guerre. C'est pourquoi tout ce que tu veux faire, tu as comme des blocages. Le diable cible spécialement, d'après Apocalypse, ceux qui ont les commandements de Dieu, c'est-à-dire ceux qui veulent les mettre en pratique, et ceux qui ont le témoignage de Jésus, Apocalypse 12. Mais on t'a dit, viens en Jésus, et puis tu n'auras plus de problème. Non, viens en Jésus, mais tu as la puissance et le nom de Jésus. D'accord? Jésus nous a pris au bas d'échelle, il nous a amenés sur les hauteurs. Il nous a amenés sur les hauteurs. Le diable tremble devant nous. Il tremble. Mais vous savez, si vous avez des armes et que vous ne pouvez même pas vous ne savez pas les utiliser ou bien vous ne les utilisez pas. Même un simple rat vous fera fuir. Un rat. Et pourtant, vous avez des armes. Même le porc épique te fera fuir. Parce que le diable, quand le diable te voit pleurer, il dit, ah, celui-là, oh, il a les armes, il ne sait pas les utiliser. Assommez-le. Et c'est ce qui se passe. Alors, vous avez des gens qui cherchent à s'abriter sous le manteau du pasteur. C'est-à-dire, chaque petit bobo, on va voir papa pasteur. Chaque petit, non, réveille-toi. La guerre qui a commencé aussi, elle continue. Tu es en guerre. Tu es en guerre. Je vais lire un passage. Je vais lire dans Éphésiens au chapitre 6, verset 11. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous. Ici, le Saint-Esprit s'adresse à des croyants comme toi et moi. Le Saint-Esprit nous dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Bien aimé au ciel, tu n'auras pas besoin d'armes. Là-bas, c'est la paix, c'est le paradis. C'est un endroit de joie, de réjouissance. Mais Dieu parle des armes parce qu'on est sur terre. Pourquoi Dieu donne les armes? Parce que le rigolo qui a commencé la guerre là-bas au ciel et qui l'a perdu, a dit, ah non, comme j'ai perdu la guerre du ciel, je vais cibler spécialement toute personne qui oserait garder les commandements de Dieu et toute personne qui acceptera Jésus. C'est les cibles. Mais la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable agit comme un chien qui aboie. Il fait « ouah, ouah, ouah ». Il aboie pour te faire peur. Mais si tu trembles, il dit « oh, celui-là, il ne connaît pas son statut ». Quand tu trembles, quand tu murmures, Satan dit « celui-là ne connaît pas son statut ». Parce que le diable, c'est là où Jésus t'a amené. Non, mais attends, celui-là ne peut pas pleurnicher avec tout ce qu'il a, avec tout ce que Dieu lui a donné. Et il tremble. Et le diable, c'est quand il regarde comme s'il dit, celui-là ne connaît pas son statut. Il ne sait même pas qui il est. C'est pourquoi il tremble devant moi, alors que c'est moi qui devrais trembler. C'est pourquoi le diable a dit dans l'Acte des Apôtres, quand des païens voulaient chasser les démons d'une personne, je connais Jésus et je connais Paul. Je sais qui est Paul. Les démons savent qui tu es. Les démons savent si tu sais utiliser les armes que Dieu t'a données ou bien si tu es comme un petit enfant. C'est pourquoi tu ne trouves pas de mari, ma soeur. Parce que le diable ne veut pas que tu te maries. Le diable veut te garder dans l'impudicité. C'est pourquoi tu ne trouves pas de travail bien-aimé. Tu as des diplômes, tu as fait des formations, tu déposes des CV. Non. C'est pourquoi je vous raconte rapidement l'histoire d'une femme qui a raconté une histoire. Elle était gravement malade, on l'amène à l'hôpital. Et pendant qu'elle était à la salle d'attente, les malades qui étaient venus après elle, on les traitait, on s'occupait de ces malades-là. Mais alors qu'elle est arrivée avant tout le monde. Et elle ne comprenait pas, elle a trouvé ça, elle dit non, c'est injuste. Moi je suis arrivée avant ces malades, on me fait attendre et les gens qui viennent d'arriver, on s'occupe de ces personnes. Et puis le Seigneur, comme c'était une question, le Seigneur lui a révélé que ton dossier, parce que quand tu arrivais, tu passais par la salle où les secrétaires enregistraient ton dossier, ton problème, et on amenait le dossier chez le médecin, et c'est le médecin qui devait t'appeler pour t'examiner. Elle ne comprend pas, ça fait des heures. Et puis lorsqu'elle a commencé à prier, le Seigneur lui a révélé que Satan a mis de l'ombre sur ton dossier pour que le médecin ne voit pas ton dossier. Donc, le médecin a aveuglé par les démons. Et Dieu lui a dit, prie. Elle s'est mise à prier. Vous vous rendez compte? Le dossier était bien là. Mais Satan a aveuglé le médecin pour qu'il ne voit pas ce dossier. Et c'est ce qui se passe quand tu vas chercher du travail. Tu as envoyé ton CV. Et parfois, tu es étonné. Tu es étonné. Pourquoi on ne m'appelle pas? J'ai pourtant le profil. J'ai pourtant l'expérience. Il faut que tu saches que la guerre qui a commencé au ciel continue, elle n'est pas finie. Au ciel, c'était contre les anges. Sur terre, c'est contre toute personne qui garde les commandements de Dieu et qui a le témoignage de Jésus en lui. Le diable sillonne ses démons. Il cherche dévorer. Qui dévorer? Ça veut dire quoi? Ils cherchent les canards boiteux. Ils cherchent des personnes qui pleurent comme des bébés. Il dit, ah, celui-là, il ne connaît pas son statut. Il ne sait même pas qu'il est fille de Dieu. Il ne sait même pas où Dieu l'a placé. Parce qu'il pleure alors que c'est moi qui devrais pleurer. C'est pourquoi le diable tremble devant toi. Quand le diable vient devant toi, il veut voir si tu connais ton statut. C'est pourquoi il a dit, je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous, vous êtes qui? Je connais Paul. Je ne peux pas m'amuser avec Paul. Si je m'en vais lui mettre des petits bobos, il va envoyer le feu de Dieu sur moi. Si je m'en vais lui faire des petits bobos, je vais passer un sale moment. Parce que lui, il est affermi. Il sait comment utiliser le puissant nom de Jésus. Car devant ce nom, je ne peux pas tenir. Devant ce nom, je suis vaincu. Devant ce nom, je suis par terre. Le diable sait que devant le nom de Jésus, il est foutu. Il est perdu. Il craint ce nom. Les démons, quand tu me dis Jésus, il fuit. Je me souviens, à un moment donné, je venais de me convertir. Le démon de femme de nuit venait me torturer toutes les nuits. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, cet esprit continuait, il luttait. Et quand je me réveillais du sommeil, lorsqu'il me montait, je dis Jésus, il fuit. Jésus, c'est ce nom qui a vaincu le diable et sa corde et le monde. Jésus, c'est le nom qui a vaincu la mort. Jésus, c'est l'héritage que nous avons reçu, que Dieu le Père nous a donné. Jésus, c'est le nom de la vie, c'est le nom de la victoire. Jésus, c'est la bénédiction. Jésus, c'est la puissance. En mon nom, a dit Jésus, en mon nom, c'est en mon nom que les ténèbres tombent. C'est à mon nom. Tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu a scellé cela. Et ce nom de Jésus reste puissant éternellement. Que ce qu'on soit sur la terre ou dans le royaume de Dieu, Jésus, c'est la puissance de Dieu qui est dégagée lorsque tu dis Jésus. Et Satan tremble. Le diable tremble. Il ne veut pas que tu utilises ce nom. Il veut que lorsqu'il amène des petits, tu te mets des bâtons dans les roues. Tu dis, oh, papa, pasteur, depuis hier, je ne me sens pas bien. Oh, papa, je veux que tu pries pour moi. Quand le diable passe, il dit, allez, il envoie les démons, écrasez-le. Celle-là ne connaît pas son statut. Et c'est la raison pour laquelle. Mais les hommes de Dieu ont une grande responsabilité dans l'affaire. Parce que beaucoup n'ont pas enseigné la vérité. La vérité, c'est que Jésus a dit, faites de toutes les nations les disciples. Les disciples. Jésus n'a jamais dit, faites de toutes les nations des chrétiens. Il a dit des disciples. Un disciple, c'est un chrétien affermi qui est capable de marcher sur le diable et sur toute sa puissance au nom de Jésus. C'est quelqu'un qui ne craint pas le diable. Je vous fais un témoignage. Un neveu à mon beau-frère avait fait des pratiques occultes. Il était à l'université. Il voulait réussir dans sa vie. Et est rentré en contact avec des grands marabouts pour avoir de l'intelligence et pour percer. Après, le diable lui a dit, bon, il faut que tu donnes ta mère. Mais le gars hésitait. Mais il avait déjà utilisé les fétiches qu'on lui avait donnés. Et comme il ne voulait pas donner sa mère, les crises de folie ont commencé. À partir de là, on l'a amené, ses parents qui n'étaient pas des chrétiens, l'ont amené chez des marabouts. Et tous les marabouts disaient la même chose. À chaque consultation, on lui disait, tu sais pourquoi tu as des problèmes. Tu sais ce que tu as fait. C'est parce qu'on te réclame ta mère et que toi tu refuses que tu as des problèmes. Il faut parler. Ils ont vu plein de marabouts. Après, on les a amenés à l'église pour la délivrance. À l'église. Mais avant, quand ils dormaient dans sa chambre, les esprits entraient en lui et se manifestaient. Ils secouaient les gens. Mais parmi ses ongles, il y avait un qui était rempli du Saint-Esprit. Il était le seul qui partait dormir dans la même chambre que ce garçon qui était agité par des démons. Il dormait sur le même lit. J'ai vu ça de mes yeux. Et je me disais, qu'est-ce qu'il est courageux? Comment il arrive à passer la même nuit avec ce garçon. Et je lui ai demandé, mais comment tu fais? Il m'a dit, avec sourire, j'ai Jésus-Christ en moi. Il dit, frère, je ne te mens pas. Il arrive que la nuit, pendant que je dors, les esprits qui sont en lui cherchent à m'étrangler. Mais quand je dis au nom de Jésus, ça se calme. Voilà quelqu'un qui savait, qui n'avait pas peur du diable. Parce que c'est le diable qui devrait avoir peur de toi. Mais il ne peut avoir peur de toi que lorsqu'il sait que tu es conscient de ton statut. C'est là où il dit, celui-là, il ne faut pas s'amuser avec lui. Il dit à ses démons, celui-là, c'est pourquoi il peut dire, Paul, Paul, Paul, on connaît Jésus, on connaît aussi Paul. Ne vous amusez pas avec Paul. Lui, c'est un vaillant héros. Lui, il a réalisé son statut. Il sait qu'on est moins maître des morts, on est sous ses pieds. Il sait qu'on est sous ses pieds, il connaît sa position, il connaît son statut. Ne vous amusez pas avec lui. Bien-aimé, Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Combien vont tenir, combien vont jeter l'éponge? Combien vont abandonner? Quel évangile on t'a prêché lorsqu'on t'a amené en Christ? On t'a dit quoi? Viens Jésus, tu es au paradis. Non! Le paradis, ce n'est pas ici. Le paradis, c'est quand tu vas mourir. On te met dans le cercueil, d'accord? Le corps là, qui n'est qu'une enveloppe, va aller pourrir. N'est-ce pas? Pourrir dans un cercueil. Et toi qui es esprit et âme, tu sortiras de cet enveloppe. Et quand tu sortiras de cet enveloppe, tu iras au royaume de Dieu. Parce que ton esprit et ton âme ont été purifiés par le sang de Jésus, sanctifiés. Et c'est pourquoi tu iras vers le Père. Mais tant que tu es ici, la Bible déclare dans Apocalypse que le diable, lorsqu'il a perdu la guerre, il a été précipité sur la terre, Apocalypse 12. La Bible dit qu'il a été précipité sur la terre. Mais la terre n'est pas vide. Lorsqu'il a été précipité, des hommes vivaient sur la terre. Les hommes vivaient sur la terre. Donc, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit, ok, j'ai perdu la guerre. Malheur à celui qui va essayer de suivre les commandements de Dieu. Malheur à celui qui va recevoir Jésus, malheur. Ce serait la suite. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Apocalypse 12, qu'il regarde, il cherche qui dévorer, il regarde qui veut mettre en pratique la parole de Dieu, il regarde qui a reçu Jésus pour lui faire la guerre. C'est la réalité. Et dans son camp, il y a des démons. Dans son camp, il y a des sorciers. Dans son camp, il y a des marabouts. Dans son camp, il y a des loges maçonniques. Dans son camp, il y a de la magie noire. Dans son camp, il y a des crimes rituels. Dans son camp, il y a des sorciers. Dans son camp, il y a des rosicruciens. Ils sont nombreux. Tous des personnes qui font des trucs occultes sont dans son camp. Ils sont dans son camp. Et donc, ils travaillent avec ça. Donc, le diable a des démons et des esprits de mort qui travaillent avec lui dans le monde spirituel. Dans le monde naturel, il se sert des hommes sorciers et des sorcières. Il se sert des marabouts. Il se sert de toute personne qui pratique l'occultisme. Ce sont des êtres humains comme toi et moi qui l'utilisent, qui ont signé des pactes avec le diable. De la même façon que dans le monde spirituel, Dieu travaille avec ses anges, n'est-ce pas? Comme Gabriel, regardez ce que Gabriel vient dire à Zacharie. Tes prières ont été exaucées. Donc, Gabriel travaille pour Dieu. Vous avez, le diable a des démons qui travaillent pour lui. Et vous avez dans le monde naturel, des hommes de Dieu, des femmes que Dieu a suscitées pour parler de Jésus. Afin que la vérité soit connue du monde entier. Donc, vous avez sur le plan spirituel, les anges pour Dieu, les démons pour le diable. Dans le monde naturel, des enfants de Dieu pour Dieu et les enfants du diable pour le diable. C'est pourquoi Jésus a dit, ne crains point, petit troupeau, parce que le Père vous a jugé digne de vous donner le royaume. Nous sommes nombreux dans les églises, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Nous sommes nombreux dans les églises, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Je me souviens, un monsieur, il était dans la franc-maçonnerie. Cet homme voulait épouser ma grande sœur. Et ma grande sœur l'a amené à l'église. Le pasteur avait prié pour cet homme. Et comme cet homme venait de sacrifier sa femme, parce que je dis sacrifier, parce que sa femme est morte d'une façon bizarre. Et il a même empêché les parents de la femme de venir prendre les bagages qui appartenaient à sa femme. Ce qui fait qu'il a choisi une chambre où il y a encore tous les bagages de sa femme. Même la famille voulait venir récupérer. Il a dit non, non, non, ça reste ici. Il a les clés de cette chambre-là. Et cette personne voulait épouser ma soeur en faisant croire aux gens qu'il a reçu chez eux. Il commençait à inviter ma soeur chez lui. Quand le pasteur a pris ça, le pasteur a dit non, c'est pas normal, la chair est faite, vous risquez de tomber dans la chair. Non, non, non, tant qu'il ne t'a pas encore épousé, les histoires d'aller faire le ménage, aller lui faire à manger, non, non, non, il faut arrêter ça. Le pasteur les a invités à son bureau, les deux. Le pasteur les a conseillés. Non, non, non, non. Quand ils sont sortis de là, quand ma soeur est montée dans sa voiture, l'homme a pris la parole. Oh, c'est des histoires. À partir du moment où je vais t'épouser, hein, où est le problème? Qu'on fasse quelque chose, ce qu'on peut faire, ça, c'est pas un problème. Il te raconte des conneries. Mais devant le pasteur, il n'a pas parlé. Ça, c'est les enfants du diable. Et cet homme est mort comme un chien. Le diable l'a tué. Vous comprenez? Donc, bien aimé, c'est pourquoi. Attention à vos mariages. Attention à la personne qui est en face de toi. Attention, c'est un beau garçon. Elle est belle, cette femme. Oui, ça c'est l'enveloppe, c'est le corps physique, c'est la carapace que tu vois. La beauté que tu vois là. Au bout de 4 jours, 5 jours, ça a déjà des asticots. Au bout d'une semaine, ça pue, ça pourrit déjà. La carapace là, c'est cette carapace qui te séduit. Oh, qu'est-ce qu'elle a des jolies formes. Oui, mais en 5 jours, ça pourrit déjà. Cette carapace-là. C'est pourquoi la Bible dit, la beauté est comme une fleur. Comme une fleur. Après un temps, ça y est, la fleur est morte. Elle n'est plus attirante. Ne te marie pas sur la base physique. Parce que tu ne connais pas celui qui habite ce corps. Quel est l'état de son esprit? Est-ce que c'est quelqu'un de saint? Jésus-Christ a dit, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. Heureux les pauvres. Le pauvre en esprit, c'est qui? C'est celui qui dort la nuit comme un bébé. Il est pauvre en esprit. Mais à partir du moment où, au lieu de dormir la nuit, toi tu utilises ton esprit pour aller en sorcellerie, tu n'es pas pauvre en esprit. Les pauvres en esprit, c'est des personnes qui dorment comme des bébés. La nuit, pour ces personnes-là, c'est pour dormir. Alors que les personnes qui ne sont pas pauvres en esprit, quand la nuit arrive, ils laissent l'enveloppe là sur le lit et ils vont dans d'autres mondes où ils vont faire des réunions au culte. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit. Donc, attention, attention à cette personne, tu l'aimes. Mais il ne veut pas donner son cœur à Jésus. Il tourne en rond tout le temps des excuses, des excuses, des excuses. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas forcer. Il ne prendra pas cet itinéraire-là. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a, lui. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous sommes dans le monde. Dans le monde, il y a le blé et l'ivraie. Dans le monde, il y a les anges de Dieu qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, ce sont des anges qui entrent en action contre les puissances qui sont devant toi. D'accord? Donc, dans le monde où nous sommes, il y a les anges pour les enfants de Dieu, il y a des démons pour les enfants du diable. Donc, sur terre, nous avons tous des corps. Et à l'intérieur de nous, il y a la différence. Les personnes habitées du Saint-Esprit, les personnes habitées par les démons. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a laissé les armes dans Éphésiens 6. Il faut que tu saches qu'en étant à Jésus, quelqu'un qui a perdu la guerre au ciel. Le diable a juré dans Apocalypse 12 que moi j'ai perdu la guerre, je vais livrer la guerre, je vais leur faire ça dur. Toutes les personnes qui veulent appliquer les commandements de Dieu dans leur vie et toute personne qui reçoit le témoignage de Jésus. Donc ne sois pas étonné si ta vie, si tu dois combattre pour avoir un bout de pain. Ne sois pas étonné si parfois tu as l'impression qu'on te met les bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un et ces démons et les sorciers qui est jaloux de toi. Le feu de l'enfer existe déjà. Dieu ne va pas créer l'enfer, c'est tout est fait là. Tout est fait. L'enfer bouillonne déjà. Il bouillonne déjà l'enfer. Il existe. Quand le diable jette un coup d'œil là-bas, il tremble. Quand il jette, il voit la puissance de feu. Il dit, ah non, moi je n'irai pas là-bas seul. Et il crie sur les démons, allez, attaquez les hommes, empêchez-les de donner leur cœur à Jésus. Allez, mettez-les les bâtons dans les roues, il faut que rien ne marche. Parce qu'en agissant ici, beaucoup vont abandonner. Beaucoup. C'est pourquoi attaquez-les, pas de pitié, détruisez les couples. Tu n'as pas de problème. Tu n'as rien fait de grave, ton mari se met, tout de suite ton mari a changé. C'est les démons, parce qu'il y a une porte dans sa vie et les démons sont rentrés par là. Combien de mariages que le diable a brisés, combien de relations, de fiançailles que Satan a détruites. Bien aimé, la Bible dit, écoute-moi bien, la Bible dit, lorsque le diable est entré dans Juda, c'est bien écrit, lorsque le diable est rentré dans Juda, à l'instant même, il a eu le désir de livrer Jésus. Pas avant que le diable rentre en lui. C'est quand le diable est rentré qu'il a eu le désir de le livrer. L'homme l'a quitté main et puis du coup il a changé. Satan est rentré en lui. C'est pourquoi il n'est plus la même personne comme celui d'avant. Celle d'avant. La femme qui t'aimait la plus brusquement, il a changé. Satan est rentré. Le diable vient pour diviser, Jésus l'a dit. Quand le diable regarde comme ça, oh, ils sont amoureux l'un de l'autre, il faut que je détruise parce que Satan est jaloux. Satan n'aime pas l'amour. Satan n'aime pas l'amitié. Satan n'aime pas la communion fraternelle. Le diable, il fait jour et nuit, il pousse les hommes à se faire la guerre les uns les autres. Satan veut qu'il y ait des disputes dans les familles divisées. Satan veut qu'il y ait la rébellion entre les enfants et aux parents. Satan veut qu'il y ait des guerres partout. Satan veut qu'il y ait des maladies incurables. Il passe tout son temps. Donc, il marche, et puis croise deux personnes qui se tiennent la main. Il se dit, oh, il y a de l'amour ici. Il faut briser ça. Il te voit, tu fais tes études, tu as des projets. Il dit, non, celui-là veut réussir. Pas question, parce que le diable veut. Que si tu veux réussir, il faut que tu signes avec lui. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans certains pays, que ce soit en Europe ou en Afrique, tu veux être élevé, tu veux être cadre supérieur, il faut que tu signes dans la loge. Il faut que tu signes dans la loge. Tu dois passer par la loge, parce que c'est ce que le diable veut. Tu veux réussir sans passer par les loges, le diable dit non. Tu veux être heureux sans passer par les loges, il dit non. Tu veux avoir l'argent sans passer par les loges? Non! Toute personne qui veut réussir sans passer par lui, il est contre. La guerre qui a commencé au ciel est aujourd'hui sur terre. Au ciel, contre les anges. Sur terre, contre les personnes qui ont Jésus. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand tu viens en Jésus, il faut que tu viennes, il faut que ton pasteur te dise la vérité. C'est pas tu es venu, alléluia, vous dansez là la loi, vous passez au dîme des offrandes, on retourne. Non, c'est pourquoi beaucoup pleurent. C'est pourquoi beaucoup disent, mais je ne sais pas, pourquoi quand j'étais dans le monde, c'est pourquoi... Parce qu'on ne lui a pas dit la vérité. Il faut qu'on leur dise, parce que si on te prépare psychologiquement, on te prépare que tu rentres en champ de guerre, tu comprends que là, je suis sur un terrain où il y aura coup pour coup, coup pour coup. Parce que là, tu sais que, ah, d'accord, je suis en Jésus, le diable va me livrer la guerre, ok, je m'en fous, j'ai les armes que Dieu m'a données, je l'attends au tournant. Mais si on t'a prêché le faux évangile, viens Jésus, tu as, tout marchera, ça baigne dans le paradis. Nous avons la paix en Jésus, oui. Mais ce n'est pas parce que nous avons la paix qu'il n'y a pas d'épreuve. Je veux que vous sachiez que les épreuves, Dieu les permet, mais ce n'est pas Dieu qui envoie ça. Quand tes études ne marchent pas là, c'est pas Dieu. Tu vas passer le concours, d'accord? Tu as bien réussi le concours et puis on barre ton nom. Ça, c'est pas Dieu, ça. C'est le diable. Le diable veut quoi? Le diable veut que tu dises, ça ne sert à rien. Je vais terminer par un petit témoignage. Je crois que je l'ai déjà fait. Lorsque j'ai reçu Jésus, parce qu'on m'avait dit, si tu viens en Jésus, tout baigne. Tout va se passer vraiment à merveille. Pas de problème. D'accord? Et moi, j'avais reçu cet évangile. Quelques jours après, j'apprends par des amis et connaissances que le ministère, je ne sais pas quel ministère, devait organiser un concours pour les officiers de douane. J'étais encore au Gabon. Concours pour les officiers de douane. Je suis allé, j'ai fait le dossier. Je suis allé déposer le dossier. On est allé faire passer le concours. On était presque 5000 candidats. Pour les personnes qui connaissent Libreville, le concours a eu lieu au lycée d'État de l'Estuaire. J'étais candidat. Et j'ai commencé à prier, oh Seigneur. Quand je suis allé passer le concours, j'avais un ami au quartier. Lui ne croyait pas en Jésus. C'était un garçon. Et il me le disait. Parce que je voulais l'amener à l'église, il refusait. Lui croyait aux choses que les grands-pères, ses grands-pères, lui ont données pour réussir dans la vie. Lui aussi, comme on est allé ensemble, on a pris le même taxi pour aller passer le concours. Et je lui disais à chaque fois qu'on parlait, parce que les résultats ne sont pas venus tout de suite. Et il me disait, Teddy, tu crois que tu as réussi le concours? Je lui dis, j'ai Jésus. Il me dit, moi, avant d'aller faire le concours, j'ai fait un rituel la nuit. Et c'est mon grand-père qui m'avait dit, à chaque fois que tu as un truc à faire, tu fais ce rituel. Et il me disait, tu fais ce rituel, tu dois manger la banane mûre. J'ai oublié les détails du rituel. Il me dit, avant d'aller faire le truc, j'ai fait ce rituel. Donc pour moi, ce que le grand-père m'a donné, les gris-gris là, ça ne peut que marcher parce que j'ai respecté le rituel. Je dis, ok, toi tu as fait ton rituel, moi c'est Jésus, bon moi je prie Jésus. Bien-aimé, 3 semaines après, moi j'étais à l'église. J'étais à l'église, c'était un dimanche. Et c'est ce dimanche-là que la radio gabonaise va donner les résultats du concours de Douala. Moi j'étais à l'église. Quand je reviens de l'église, je reviens, je suis de retour à la maison. Il était 14h. Et j'ai vu ce monsieur de la maison où j'habite jusqu'à la route. Il venait en courant, il faisait comme ça, ouais, et il faisait. Mais j'étais étonné, mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Il est venu, Teddy, quand je te dis que vos histoires de prière là, quand je te dis que vos histoires de prière là, c'est zéro, tu n'as pas eu le concours. Tu n'as pas eu le concours. Je dis, comment ça? Il me dit, si, à la radio, ça passe en boucle, on donne les résultats des personnes qui ont eu le concours. Bien aimé, moi qui priais. Mais lui aussi n'a pas eu le concours. Il n'a pas eu, je n'ai pas eu. Mais j'étais étonné de le voir le sourire jusqu'ici. Parce que pour lui, c'est la preuve que les prières à Dieu, ça ne sert à rien. Et pourtant, lui aussi n'a pas eu le concours. Bien aimé, j'étais abattu sur rentrer à la maison, je lui ai dit, Seigneur. Mais Dieu me réservait quelque chose de plus grand. Béni soit le Seigneur. Mais il me disait, attends, tu continues à faire les prières, des trucs qui ne donnent, qui n'apportent pas de résultats. Mais moi, je continue à faire mes prières. Alléluia. Jusque quand le Seigneur m'a mis à cœur, je n'ai pas eu le visa. J'ai eu le visa pour venir faire mes études à Lille. J'ai eu le visa pour venir faire mes... Parce que Dieu ne voulait pas que je reste là-bas au pays pour les petits trucs de douane. Mais Dieu m'a amené à un niveau très élevé. Je gagne bien ma vie aujourd'hui. Je travaille, je gagne bien ma vie. La paix que j'ai, n'est-ce pas, avec le petit douanier du Gabon, la paix que j'ai, c'est 3-4 fois ce que j'allais recevoir au Gabon. Et quand, quelques temps après, le Seigneur m'a montré, m'a ouvert la porte pour venir continuer mes études à Lille, un jour, je m'en vais le voir, je dis, bon, je voyage en France samedi prochain, arrête tes histoires, arrête! Je lui ai présenté mon passeport et le visa et le billet Air France. Je l'ai vu trembler comme ça. Oh, comment tu as fait? Je lui ai dit, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a fermé la bouche. Il a fermé la bouche. Quand je suis venu en France, ma grand-sœur me disait au téléphone, oui, tu te rends compte, même jusque-là, il a, on dirait, des doutes. Je dis, ah bon? Oui. Et pourtant, je lui ai montré le passeport. Il dit, est-ce que tu n'es pas parti à OIM? Est-ce que vraiment tu es en France? Alors, comme quand je suis arrivé, j'habitais à la ville d'Amiens, j'ai appelé un ami. Je lui ai dit, le gars était en France depuis longtemps. Je lui ai dit, ok, pardon, je te fais le billet de train aller-retour Amiens-Paris. Il faut que dimanche prochain, que tu m'accompagnes à Paris, je veux faire des photos. Il a dit, il n'y a pas de problème, tu me fais le billet aller-retour. Moi, je connais Paris comme ma main, on va faire des photos. J'ai acheté l'appareil photo, la pellicule, on est allé dans Paris, Tour Eiffel, je me mets là, Arc de Triomphe, je me mets dans les places. Le gars m'a fait plus, au moins 48 posts. On a sillonné dans Paris. D'accord? Et j'ai pris le lot des photos. Je l'ai envoyé au pays. Quand la grande soeur a reçu les poteaux, la grande soeur l'a appelé. Quand le gars a vu, je suis à la tour Eiffel, je suis à l'Arc de Triomphe, je suis... ma grande soeur me dit, il est resté la foi. Il est rentré chez lui, n'a plus dit alibé. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, quand j'apprends, il est toujours à la maison, aucun travail. Il est en train de vieillir chez lui, rien ne marche. On voit bien que les trucs que le grand-père a donné ne servent à rien. Donc, bien-aimés, nous sommes en guerre sur terre. Ne sois pas étonné. C'est pourquoi la Bible dit, regardez comme un sujet de joie. Un sujet de joie. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Comme un sujet de joie. Parce que les épreuves, tant que tu es sur terre, tu auras des épreuves. Les vents seront contraints. Il y aura la tempête même dans ton couple. Il y aura la tempête même dans ta famille. Il y aura la tempête à ton lieu de travail. C'est toi qui es la cible. Lorsque Jonas, alléluia, alléluia, lorsque Jonas est montré, est monté dans le bateau, la Bible dit le bateau a eu des problèmes. Il était dans le bateau, Jonas, vous connaissez l'histoire de Jonas dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il est monté dans le bateau, il y avait la tempête, le bateau commençait à couler. Mais qui était visé, qui était attaqué? C'est pas les autres passagers du bateau, c'est Jonas qui était la cible. Donc parfois, Satan peut attaquer ta famille, en fait c'est toi qui es visé. Satan peut attaquer ton couple, c'est toi qui es visé. Pourquoi? Parce que le diable connaît les réalités de la parole de Dieu. Satan sait qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens la cible. Tu deviens l'homme à abattre, la femme à abattre, parce que Satan tremble, parce qu'il sait qu'à partir de toi, Dieu va ouvrir une porte, la porte du salut dans ta famille. Et c'est pourquoi tu es la cible. Le diable va t'attaquer par tes parents. Oh, tu es rentré dans une secte. Oh, nous, on n'est que catholiques, protestants, des histoires, on ne connaît pas. C'est le diable qui les manipule contre toi. Mais il faut persévérer, parce que tu es en guerre. Le diable veut que tu abandonnes. Je connais une sœur, n'est-ce pas, en Christ? Son père est polygame, son père a 4 ou 5 femmes. Donc, cette fille-là a presque 40 ou 50 frères et sœurs, parce que son père a beaucoup de femmes. Elle était la première qui a donné sa vie à Jésus. Elle était attaquée. Elle s'est mariée avec un blanc ici en France, toujours attaquée d'ivoire. Et quand elle a vu trop d'attaques, elle a dit, oh frère, les sorciers de chez moi m'attaquent, j'en ai marre. Aujourd'hui, elle est à la maison. Ah, parce que le diable tremble, le diable, ouais, quoi? C'est elle l'aînée des enfants de son père. Derrière elle, il y a 45 ou 50 frères et sœurs. Parce que son père a beaucoup de femmes. Si celle-là, comme c'est elle qui est en France, c'est elle qui a la position d'autorité. Parce que quand elle descend au Gabon, toute la famille se réunit. C'est elle qui est en France, donc c'est elle qui pourvoit aux besoins de la famille. Donc elle a une position d'autorité dans la famille. Le diable a tremblé. Il a dit non, si celle-là persévère en Jésus, toutes ces frères et sœurs-là risquent, je risque de les perdre. C'est pourquoi tu es attaqué. C'est pourquoi tu es attaqué. Le diable ne veut pas que tu sois sauvé. Le diable veut que tu sois avec lui en enfer. C'est ce qu'il veut. C'est pourquoi il te met les bâtons dans les roues, dans tout ce que tu veux entreprendre. C'est lui. Tu veux te marier. Pourtant, tu fais tout. Le frère revient. Il part ailleurs. Il part. Satan veut t'amener au découragement. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu comprennes que le repos, tu l'auras dans le royaume de Dieu, pas ici. Il faut que quand tu touches, que tu veux ça, tu tournes en boucle. Il n'y a rien qui marche. Tu es en guerre. Utilise les armes que Dieu t'a laissées. Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6. Tout chrétien qui est en Jésus-Christ doit lire le chapitre 6 d'Éphésiens. Si tu es en Jésus, que tu sois ancien en Jésus, que tu sois une personne qui vient de donner sa vie à Jésus, il faut aller dans le livre d'Éphésiens et lire tout le chapitre 6. Tout le chapitre 6 d'Éphésiens, tout chrétien doit le savoir. Parce que tu es en guerre. Le diable a perdu la guerre au ciel face aux anges de Dieu. Il est venu sur terre. Et Apocalypse 12 nous dit, il a juré de livrer la guerre à toute personne qui veut garder les commandements de Dieu. Et toute personne qui a reçu Jésus. Toi, tu as reçu Jésus. Tu es la cible. C'est pourquoi on te met les bâtons dans les roues. C'est pourquoi là où tu travailles, tu n'as rien fait au directeur. Parfois, il est jaloux, il est contre toi. Pourtant, tu n'as rien fait de mal. C'est le diable qui le manipule. Il faut comprendre, toi qui, tu es marié, ton mari, le diable le pousse maintenant à l'infidélité, alors qu'avant, il n'était pas comme ça. La Bible dit, quand le diable est rentré dans Judas, quand il est rentré, pas avant, c'est quand il est rentré que Judas a eu tout de suite l'envie de livrer Jésus. C'est quand même ton mari là, il était fidèle, et puis à un moment donné, il devient fidèle. Sans le démon d'infidélité est rentré, et puis devient fidèle. C'est ce qui se passe. Il faut que tout chrétien lise Éphésiens chapitre 6 et que tout chrétien comprenne que le repos, c'est dans le royaume de Dieu. Le repos, ce n'est pas ici. Ce royaume de Dieu, le repos. Donc ici, nous sommes en guerre. C'est pourquoi Dieu a dit à Gédéon, un jeune homme comme toi, Dieu a dit à Gédéon, salut, vaillant héros, parce que le peuple hébreu était en guerre contre les Philistins. Les Philistins aujourd'hui, c'est les démons. D'accord? Nous, nous sommes, la Bible dit, ce sont toutes personnes qui ont la foi, qui est fils, fille d'Abraham. Ce sont les personnes qui ont la foi. Donc, aujourd'hui, nous sommes les fils et les filles d'Abraham par la foi, selon le livre de Galates. D'accord? Donc, nous sommes en guerre contre les Philistins, c'est-à-dire des démons. Et Dieu, pendant que les Hébreux étaient en guerre contre les Philistins, Dieu va dire à Gédéon, salut, vaillant héros. Parce que Dieu, Gédéon a eu la révélation, Gédéon a eu une vision. Dieu lui dit, salut, vaillant héros. Et Dieu connaît parmi ses enfants. Vous pouvez être mille à l'église. Dieu connaît dans cette église ses vrais enfants. Dieu connaît dans l'église des vaillants héros. Dieu les connaît. C'est-à-dire des personnes où Dieu peut défier le diable. Comme il a fait avec Job. Satan dit, Job, là, t'adore parce que tu l'as béni. Si je touche à ses bénédictions, il va te renier. Ta fille, là, alléluia, elle chante. Si je touche à son mari, ta fille, là, va t'abandonner. Ton fils, là, vient, il est cadre. Si je l'amène au chômage, il va t'abandonner. Hein? Cette fille-là, avec sa mère, ils s'entendent bien. Si je brise cette relation, ta fille, là, va t'abandonner.